vient ramasser les feuilles mortes. Il n'y a rien de plus grand que de ramasser les feuilles mortes. C'est en octobre, je vois mes vacances, je renoue avec mon rêve et mon râteau. Il n'y a rien de plus beau que cet âge jaune, rouge et brun. J'aime bien ramasser les feuilles mortes. Il n'y a rien de plus grand que ramasser les feuilles mortes. J'aime bien ramasser les feuilles mortes. Il n'y a rien de plus grand que ramasser les feuilles mortes. Viendront du compost. C'est mon héritage de la planète.